Oui, pour commencer ma présentation, je voudrais rappeler que si j'ai pu engager des recherches sur Marly il y a déjà quelque temps, c'est grâce à deux personnes à qui je veux rapidement rendre hommage. D'une part, Marien Mandoni, qui était conservateur du musée de Marly et qui a créé le musée Promenade il y a maintenant 30 ans, et mon professeur d'archéologie, Philippe Bruneau, à qui je dois une partie peut-être de la rigueur de mon analyse, en tout cas, de sa volonté de nous pousser vers une certaine exigence dans la précision et l'analyse. Le sujet que je dois traiter maintenant devant vous est tout de même un peu curieux, puisqu'il s'agit de parler de ce qu'on ne sait pas encore. En effet, comment peut-on parler sérieusement de travaux qui n'ont pas encore été menés et sur des thèmes auxquels personne n'a encore pris la peine de s'intéresser? Alors, la proposition que vous m'avez faite, Raphaël, de parler ce matin des nouvelles perspectives de recherche m'oblige donc à adopter un angle inhabituel, une position pour le moins inconfortable. Mais enfin, il s'agit de trouver une manière de scruter le château de Marly autrement, de l'aborder sous un autre angle et d'adopter une approche nouvelle, quand bien même, et ce colloque le démontre depuis 3 jours, de nombreuses recherches par d'éminents chercheurs ont déjà été menées ou sont en cours. Je vais aborder ces nouvelles perspectives en commençant par examiner les trois modalités, si ça avance tout seul, ça va pas, les trois modalités que peuvent prendre des recherches, que ce soit des recherches imposées, contraintes par l'actualité, ou bien des recherches dont on choisit d'avance le thème, sans se prémunir d'éventuels résultats. Ou bien la troisième possibilité, c'est de partir d'une exploitation, d'une documentation, à partir de laquelle on essaye de comprendre des choses et des éléments nouveaux. Évidemment, il ne s'agit pas pour moi ici de fixer un cadre exclusif de la recherche, mais de faire une proposition. Et mon expérience, qui a été très aimablement rappelée par Annick à l'instant, m'a amené à être confronté, il y a une vingtaine d'années, aux errements de la programmation officielle, puisque, elle ne l'a pas dit, mais il m'avait été opposé, pour l'une des campagnes qui donc n'a pas eu lieu, l'impossibilité de faire des recherches, parce que je ne m'intégrerai dans aucun programme officiel. Et après lourdes batailles, on avait fini par accepter, dans les hautes instances de l'administration, d'inclure mon projet de fouille dans la catégorie des villages et terroirs médiévaux et post-médiévaux, faute de mieux. Je n'ai cessé donc depuis de défendre l'idée que ce qui importait n'était pas tant la façon dont on scrutait notre sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, quelles que soient les limites de nos métiers, d'archéologues, d'architectes, de restaurateurs, d'archivistes. Mais ce qui importe, c'est la manière dont le sujet lui-même est organisé, et que ce sujet, en l'occurrence le château de Marly, n'a que faire de nos disciplines cloisonnées. Pour Marly, justement, la documentation est foisonnante, le sujet est prestigieux, et on ne se lasse pas d'en découvrir de nouveaux détails, y compris sur les aspects les plus spectaculaires. Je voudrais, pour terminer ce préambule, préciser que la position du chercheur n'est pas celle du gestionnaire et que, par conséquent, l'étude que je qualifie d'archéologique du domaine de Marly n'est pas une étude qui est nécessairement en phase avec la gestion d'un patrimoine tel que les personnes qui en ont la charge doivent le faire. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Si ça avance tout seul, c'est vraiment magique. Dans cette première partie, donc, montrer qu'on peut toujours approfondir notre sujet. Il est frappant que chaque fois que dans l'actualité récente un nouvel élément est apparu, une recherche approfondie, spécialement menée sur ce que l'actualité nous proposait, a permis de faire des résultats spectaculaires. Bien entendu, qui contredisait les résultats précédents. C'est le principe même de la recherche, c'est d'opposer de nouveaux résultats aux recherches précédentes. Ce n'est d'ailleurs pas spécifique à Marly, et nous sommes bien placés ici à Versailles sous la Grande Galerie pour savoir qu'un endroit aussi connu, aussi prestigieux, aussi fréquenté a vu ses connaissances récemment renouvelées par des travaux spécialisés dans de nombreux domaines. Et à côté de Marly, je n'y reviendrai pas trop longuement, mais les recherches d'Éric Soulard sur la machine de Marly montrent aussi que sur un site tout aussi célèbre, peu étudié, cela dit, mais si souvent commenté, ces travaux ont totalement renouvelé la bibliographie à tel point qu'il n'en reste à peu près rien de tout ce qui a été écrit avant, si ce n'est des tombereaux d'erreurs. Pour ne citer que quelques exemples, pour commencer sur Marly, l'actualité m'a conduite à m'intéresser ces dernières années à Jacques Rigaud, à la suite du passage en vente de quelques dessins, à l'Abreuvoir, à l'occasion d'une nouvelle restauration, à un étonnant pied de table, qu'on aimerait bien attribuer à Marly, au Globe de Coronelli, qui sont sortis définitivement, souhaitons-le, de leur caisse. Et puis, je n'y reviendrai pas, mais par exemple, les tableaux des saisons qui viennent d'être exposés au musée Promenade ont, par d'autres, fait l'objet aussi de recherches qui renouvellent la connaissance sur cette question. J'évoquerai aussi dans un instant le Grand Jet et tous ces thèmes qui sont fortuits, disons, enfin qui n'ont pas été programmés par une recherche, tous ces thèmes ont été plus ou moins spectaculairement transformés, reconsidérés à la suite de recherches nouvelles. Exemple donc autour de Jacques Rigaud, ce dessin et deux autres sont passés en vente il y a quelques années, et c'est à cette occasion qu'on s'est aperçu qu'on ne savait à peu près rien de ce Jacques Rigaud, ou que ce qu'on en disait était malheureusement erroné. Juste à son état civil, alors, son prénom et son nom étaient fort heureusement connus, mais ni sa date de naissance, ni son lieu de naissance n'étaient conformes. Ces recherches, je les ai menées avec Benjamin Ringot, et nous avons aussi pu déceler dans cette historiographie un peu mouvementée que les fameuses maisons royales, le fameux recueil des maisons royales qu'on lui attribue, il n'en avait jamais vu un seul exemplaire. Voilà, exemple de l'Abreuvoir, puisque lorsque des travaux de restauration se font, l'œil est tout de suite, évidemment, l'œil du spécialiste est tout de suite aiguisé. Et là, nous nous sommes heurtés à une triste constatation qu'après 150 ans de gloire, les coquillages qui étaient censés avoir orné l'Abreuvoir, et que depuis Guillaumeau, on avait mis en avant comme l'une des gloires et l'une des décorations les plus extraordinaires de Marly, n'avait finalement, en piochant évidemment aux bonnes sources, dans les archives, dans la documentation, trouvé aucune trace, ni d'achat, ni de pose, ni de dessin, ni de réparation, ni de toute autre mention qui aurait permis d'en attester l'existence. Pour le Grand Jet, la restauration est plus ancienne, puisqu'il a été remis en eau en 1939 au milieu d'un très joli petit rondeau au sud du château. Et le constat, alors il avait un peu disparu peu de temps, ceci dit, mais après la tempête, il a fallu faire quelques mouvements pour réintéresser le gestionnaire du parc à son fonctionnement. Au début donc de notre siècle, il y a quelques années maintenant, et en travaillant un peu plus profondément sur son histoire, vous pouvez voir sur la gravure qui est à droite de l'écran la forme que prenait le bassin du Grand Jet à son origine. Et curieusement, il a été restauré sous un autre aspect, avec un petit bassin rond un peu étroit. Alors c'est une demi-erreur, disons, parce qu'il avait bien été construit sous cette forme-là. Mais c'est une forme que le roi a immédiatement refusée et qui, donc, 15 jours après, a été transformée. Et donc, on a donc choisi, dans les années 30, de restaurer l'état qui ne convenait pas à Louis XIV. Il a été maintenu sous l'aspect, vous voyez, de demi-lune ici pendant une quinzaine d'années avant d'être transporté, je parle du Grand Jais, au milieu du Grand Bassin. Alors, c'est une situation assez étrange d'avoir finalement ce petit bassin trop étroit, en tout cas tel qu'il était jugé à l'époque, restauré comme un élément ancien. Je ne peux pas ne pas vous montrer ce magnifique pied de table à droite pour rapidement vous le comparer avec l'image de ce qu'il est censé être à Marly à la fin du XVIIe siècle. Malheureusement, voilà, c'est une belle pièce sortie récemment du Mobilier National. Je ne crois plus qu'il soit exposé, en tout cas le salon de Mercure est en travaux, je ne sais pas s'il y reviendra après. Je forme le vœu que mes explications soient suffisamment convaincantes, parce que ni les dimensions, ni les descriptions, enfin rien quoi, ne correspond au pied de table d'origine, et que l'analyse qui en a été proposée récemment mélange un peu toutes sortes d'archives, et notamment deux commandes autour de 1683 et 1685 pour le château de Marly, et que par conséquent, sans numéro d'inventaire, finalement aucun indice probant, on ne peut malheureusement pas attribuer ce beau meuble, ceci dit, mais en tout cas on ne peut pas l'attribuer au vestibule ou même généralement au château de Marly. Bon, pour les globes, là aussi, un colloque a été organisé par la Bibliothèque nationale de France peu après qu'il soit sorti de caisse, donc il y a 5-6 ans. Et en me penchant sur leur histoire, je ne pensais pas avoir grand-chose de neuf à dire. Et puis, en creusant un tout petit peu la documentation, on s'aperçoit que c'est un sujet qui avait été finalement assez peu abordé, jusqu'à la date à laquelle ils étaient arrivés à Marly, qui est généralement erronée. Alors évidemment, c'est les querelles de spécialistes, savoir qu'ils sont arrivés en juillet plutôt qu'au mois de novembre de l'année 1703. Mais ça révèle simplement que les sources n'avaient pas été précisément étudiées. Et surtout, plus ennuyeux, même si cela avait été évoqué à quelques reprises, notamment par Claudia Hartmann, l'installation intérieure des pavillons des globes n'avait pas été comprise parfaitement jusqu'ici. Ça n'était pas des lieux dans lesquels on avait simplement exposé les globes. C'était bien plus que ça, ce que j'ai appelé, après d'autres, un cabinet de géographie avec d'abondantes documentations tout autour des globes eux-mêmes et jusqu'au piédestaux, dont on croyait juste il y a peu, mais il semblerait que j'ai, pour ce coup-là, été convaincant, que ceux qui avaient été remontés à Beaubourg et qu'on regrettait de ne pas avoir revu à la Bibliothèque nationale de France n'étaient pas tout à fait ceux qui avaient été installés à Marly. Ce sont des piédestaux, en tout cas pour la partie basse, et notamment l'embarchement, qui avait été réalisé plus tard, à la fin du XVIIIe siècle. Bon, voilà pour ces quelques exemples qui ont simplement pour objectif de rappeler que, quand bien même la recherche n'est pas programmée, elle est toujours possible sur les sujets qui se présentent à nous et qu'on peut toujours enrichir nos recherches, quelles que soient les conditions de la programmation. Que ce soit pour mieux connaître les artistes, que ce soit pour préciser les restaurations, pour affiner la compréhension des collections des musées ou des particuliers. Et puis j'évoque rapidement ici la question de reconstitution sous forme de maquette ou de restitution 3D, où nous sommes là encore à la préhistoire de la recherche. Tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant est extrêmement faible, pour être encore un peu aimable, puisque si les techniciens ont une maîtrise assez admirable de leur outil informatique pour faire de la 3D, il manque évidemment en face une parfaite connaissance de Marly, parfaite connaissance que d'ailleurs personne n'a encore, et qui est tout de suite un élément bloquant sur une restitution 3D qui oblige à montrer des choses qu'on ne connaît pas et qui inévitablement on montre très mal. Et aussi se pose le problème de la perspective qu'on veut bien donner. Je m'étonne toujours qu'on veuille placer le spectateur sur ses vues en 3D dans les airs ou au-dessus ou au milieu d'une pièce ou au plafond. Alors ça a peut-être un petit intérêt comme ça de curiosité, mais qui à mon avis n'apporte pas grand chose à la connaissance du sujet. dont de nouveaux thèmes sont évidemment à explorer. Nous pouvons, j'ai dit que le sujet était organisé indépendamment de nous, évidemment trier les questions, que ce soit les grands domaines, l'architecture, sur laquelle ont déjà beaucoup travaillé de nombreux chercheurs, et principalement Claudia Hartmann, que ce soit sur la peinture, la sculpture, etc., où là aussi nous avons de nombreux travaux. Il reste dans chacun de ces grands domaines, qui sont, disons, les plus fréquentés jusqu'à maintenant, des petits sujets, des petits angles d'attaque sur lesquels on peut creuser, non pas avec la truelle, mais dans les archives ou ne serait-ce qu'avec l'appui de la documentation, pour comprendre, pour découvrir l'agencement. Et quand on est dans le détail de la construction de ce château, on est parfois encore bien en peine. D'ailleurs, des discussions de jeudi l'ont montré. Et plus généralement, ça vient d'être évoqué par Annick et dans la discussion qui a suivi avec Madame Saul, la question des terrassements. Je crois que c'est une des questions importantes de Marly, parce qu'on a donc la chance d'avoir un site peu renouvelé. Et on voit bien évidemment le résultat de ces terrasses parfaitement symétriques qui évidemment ne correspondent pas aux travaux, à l'état précédent. Et lorsque j'avais publié ce plan il y a quelques années, qui est donc le premier plan de Marly, j'avais montré que c'était un plan destiné aux ouvriers de terrassement. Il y a toutes les cotes d'altimétrie, en plus des cotes de longueur. Et puis vous avez au verso de ce plan, et certains chiffres apparaissent ici par transparence, ou sont aussi au verso, au recto, je me souviens plus, qui sont des calculs, des multiplications, des additions, alors on ne sait pas quoi, mais on arrive à des milliers de millions, c'est-à-dire des milliards, exactement 1014 millions, on ne sait pas quoi, et je suppose, mais ça demanderait d'être vérifié, que ce sont des cubages, alors on dirait des mètres cubes aujourd'hui, mais évidemment à l'époque ils font ça en toise cube, de terre déplacée, et pour un paiement ou pour quelque chose comme ça. C'est à l'évidence, dans les tout débuts de Marly, une question essentielle que celle des terrassements. Pour l'architecture, vous avez ici un plan qui a été restitué récemment par Annick Finet pour son article sur les tableaux des Damoiselles et Huilliot, dont elle a proposé l'emplacement des 60 tableaux du premier étage. Curieusement, nous n'avons pas le plan précis de la distribution du premier étage du château de Marly dans son état d'origine. On en a un qui est peu après, mais il faut malgré tout le modifier, donc faire un travail dessus pour obtenir ce résultat. Et c'est la restitution de ce plan. Alors, je vous épargne évidemment toutes les transformations successives pour lesquelles on sait quand même pas grand-chose encore aujourd'hui. En tout cas, c'est pas nettement détaillé, qui permet de déterminer qu'il y avait bien 60 positions pour 60 dessus de porte, tels qu'ils avaient été faits. Voilà. Donc, un travail sur le plan, même pour le premier étage du château, est encore à faire. Il y aurait aussi à étudier la décoration intérieure, pour laquelle de nombreuses questions sont encore en suspens. Il y a aussi toute une étude à faire sur les bâtiments annexes, notamment lorsqu'ils sont encore en place. Et c'est le cas de cette petite dépendance qui a été pendant un siècle le pavillon de chasse du président de la République. En tout cas, la partie centrale est ancienne et est l'un des éléments extrême, à l'extrémité des anciens communs du château de Marly. Et j'en profite pour vous dire qu'il est visitable ce week-end, ce qui est quand même tout à fait exceptionnel. Donc profitez-en si le temps vous est donné. Cet après-midi et demain après-midi, les amis du musée Promenade ayant obtenu de l'établissement public la possibilité de le faire visiter. Avec en plus quelques conférences qui sont proposées. Voilà. Ce bâtiment me permet de souligner que tout un pan de l'histoire de Marly est resté dans l'ombre jusqu'à maintenant. C'est les deux règnes de Louis XV et Louis XVI. Bon, c'est évidemment bien normal que les recherches et que l'attention se soient prioritairement focalisées sur le règne de Louis XIV et notamment sur la fin du règne, même si on a bien vu dans ces derniers jours que l'intérêt commençait justement à émerger sur les premières années, sur les changements qui se sont opérés dans la nature, dans la fonction, dans l'utilisation de ce château entre le projet sur lequel on travaille encore et 1700-1715, qui est la partie la plus connue, la plus glorieuse, parce que les éléments les plus célèbres, que ce soit les chevaux de Coisevaux, les globes, les cascades, tout ça c'est uniquement sur la dernière période de Marly. Donc il y a un travail à faire aussi sur le début du règne, mais les deux règnes suivants sont, hormis des recherches très précises, notamment sur le mobilier de Stéphane Castelluccio, qui ont vraiment été menées, mais une vision d'ensemble de ces règnes n'a pas été faite, à tel point qu'on est bien incapable de savoir quand le roi de France est venu à Marly. L'étude que nous a proposé Thierry Sarment sur l'époque de Louis XIV ne pourrait pas aussi rapidement être faite, à mon avis. En tout cas, ça demanderait un vrai travail pour les règnes suivants. La période révolutionnaire a été davantage étudiée, vous voyez, donc là il y a un entre-deux, à commencer par les travaux de Vincent Marotto il y a déjà quelques temps. Mais c'est pour la période, disons, qui dure, pas un siècle, mais presque de 1715 à la Révolution, qu'on a un véritable creux dans l'historiographie de Marly. Voilà. Le choix des thèmes reste évidemment relativement vaste. Une partie de l'architecture, certains éléments de jardin, notamment les bâtiments annexes des jardins, les kiosques, il y en a plusieurs, on ne les connaît pas très bien. Bon, voilà, il y a des sujets sur ces grands domaines. Plus généralement, toute la décoration, les aménagements de Marly sont peu ou pas étudiés pour l'instant. Il y a tout un tas de portes, par exemple, qui circulent dans les musées un peu partout, dont on nous dit qu'elles viennent de Marly. Tout ça, ça n'a pas été étudié sérieusement et ça le mériterait. J'ai donc cité les bâtiments secondaires, dont le bâtiment, le futur bâtiment présidentiel, qui était un élément des communs et qui était un logement pour le caporal des Suisses. C'est un travail en cours dont j'aimerais reparler plus tard. Et puis, je termine en citant sur cette liste toutes les personnes qui ont fréquenté Marly, qu'on connaît finalement si mal, hormis évidemment le roi, la famille royale et le premier cercle des courtisans. Nous avons sur les listes des centaines d'invités à chaque Marly et des centaines, voire des milliers de lits répartis sur l'ensemble du château. Et donc, les personnels, les ouvriers, personnel de service, personnel des bâtiments, etc., sont encore peu connus. La présentation qu'a fait Benjamin Ringot hier nous ouvre une belle piste pour aller dans cette direction. Les archives sont nombreuses, les vestiges aussi. Évidemment, je ne vais pas vous en parler, puisque l'exposé d'Annie Getzmann l'a fait très amplement. Mais il importe quand même de s'arrêter sur la richesse de ces fonds. D'une part, pour comprendre que cette incroyable richesse n'a d'égal que ce qu'on peut trouver sur Versailles. Je ne pense pas que d'autres châteaux puissent se prévaloir d'une telle quantité de documentation. Et cette quantité a pour corollaire son absence d'études ou de recherches dans le détail. Certains fonds mériteraient à eux seuls un nouvel examen, que ce soit le fonds Colbert, qui a été publié, mais dont on mériterait certainement d'aller y voir de plus près sur les originaux. La correspondance de Louvois est fort heureusement en cours de publication, grâce à Thierry Sarment et Raphaël Masson, qui en sont les éditeurs, et on voit bien dans cette publication l'apport d'une documentation externe à Marly, mais évidemment qui la concerne très directement pour suivre les différents chantiers. Mais vous avez des fonds apparemment extrêmement connus. Ici, je montre un exemple des comptes des bâtiments du roi que tout le monde cite, qui est évidemment depuis un peu plus d'un siècle, depuis la publication par Guy Frey, la bible de départ pour toute recherche sur Marly. Geneviève Bresc l'avait signalé il y a déjà quelques années et je ne peux m'empêcher de le répéter depuis en ayant pu constater à quel point elle avait raison. Ils sont très bons, elle est très bonne cette publication de Guy Frey, mais très imparfaite. Truffé d'erreurs. Alors évidemment, c'est toujours dans le détail, mais c'est toujours là où on a besoin d'une précision que malheureusement se porte l'erreur. Il a supprimé un certain nombre de détails, de précisions. Il a raccourci, il a condensé. Alors ça en fait un travail admirable. Il serait là et je pourrais qu'applaudir l'immensité de ce travail qui, de toute façon, est une base avec un index vraiment très utile. Mais on ne peut pas sérieusement continuer à utiliser Guy Frey comme une référence absolue. Il faut absolument, pour toute étude précise, aller vérifier sur les originaux qui sont, je crois, maintenant disponibles en ligne quelque part. Non, je me trompe pour cela. Ils ne le sont pas encore. Ils sont en microfilm, par contre, aux Archives nationales. on peut rêver qu'ils soient un jour un peu mieux disponibles. Et puis, pire encore, c'est pour les règnes de Louis XV et Louis XVI, où là, quasiment personne ne les a utilisés. Et donc, ils recèlent une mine, une richesse importante pour la suite du règne. Et évidemment, ça conforte la question que j'ai évoquée tout à l'heure d'étudier les deux règnes de Louis XV et de Louis XVI. Plus généralement, les cartons d'archives des bâtiments du roi sont extrêmement nombreux et s'ils n'ont pas été tous parfaitement étudiés, c'est qu'ils se recèlent une mine de micro-informations, de détails sur chaque mouvement, pratiquement à la fois des personnes, des matériaux, des travaux divers dans Marly. Je crois que, évidemment, là, nous touchons au cœur de l'administration et de la vie du château, et que c'est pratiquement chaque document qu'il faudra, et donc ça laisse encore beaucoup de travail, aller observer minutieusement. On trouve aussi évidemment de grands fonds autour des meubles et autour des mobiliers et donc et du garde-meubles et d'autres séries évidemment importantes. Voilà, quelques documents graphiques réapparaissent régulièrement, quelques documents d'archives aussi. C'est évidemment pas le plus fréquent. Les grands fonds, Archives nationales, Bibliothèque nationale, Archives départementales sont évidemment les principaux pourvoyeurs de documentation, mais quand l'occasion se présente, il n'est pas inutile de se pencher sur quelques nouveaux documents. Ici, c'est un album qui est passé en vente il y a quelques années, représentant les Jardins de Marly en 1699. Mais je m'arrête un instant sur cette coupe que vous avez déjà vue à 3 ou 4 reprises depuis le début du colloque, parce que c'est un des documents de base de l'étude du château de Marly, la coupe présentée comme étant l'état final du château de Marly, donc peu avant la mort de Louis XIV, vers 1714. C'est un document extrêmement complet, extrêmement précis et je crois extrêmement juste, et qu'il ne convient pas de décrier chaque fois qu'il ne correspond pas à ce qu'on aimerait qu'il soit. Je dis ça parce qu'il y a certains tableaux qui n'ont pas été reconnus. Alors c'est pas parce qu'ils sont mal dessinés, c'est parce qu'ils n'avaient pas été reconnus. Et dans la présentation d'hier, vous ont été montrées les tapisseries du premier étage. On aurait pu observer aussi les tableaux des Damoiselet et Huilliot, qui sont trop petits là pour vous les identifier, mais dont l'un des deux a été clairement identifié et se trouve à Fontainebleau. On peut identifier aussi le mobilier, j'en ai parlé un instant, je n'y reviens pas, mais je crois qu'on pourrait regarder aussi attentivement les décors intérieurs, des sculptures intérieures. Et puis très récemment, et j'en profite pour saluer le regard de Géraldine Chopin, qui travaille au musée Promenade et qui a attiré mon attention et de quelques autres. Je ne sais pas si je peux montrer, non, je n'ai pas de souris. Alors je vais me lever, ça sera plus simple, sans rien faire tomber. Voilà, vous avez ici deux petites colonnes peu compréhensibles de loin et tout aussi difficiles à interpréter de près, qui sont des verrières et qu'on a fini par comprendre comme étant des puits de lumière qui servaient à alimenter non pas le salon, mais les pièces à l'arrière du salon, les trous noirs dont l'éclairage avait été obstrué par l'installation des glaces, des grands miroirs au-dessus des cheminées dont on a parlé hier. Bon, voilà, je cite ce petit détail, il y en a d'autres, il y a les deux Van der Meulen qu'on peut identifier, etc. Tout ça pour vous dire, en prenant l'exemple du document peut-être le plus connu de Marly, que même sur ces documents-là, avec un regard aiguisé à la loupe, on peut faire de nouvelles trouvailles. Et j'en profite pour souhaiter, pour émettre un vœu qui, j'espère, ne sera pas perdu, que ce document qui provient des grands albums de Marly soit rapidement numérisé, parce que ce n'est pas les vues générales qui nous permettent de travailler, mais les vues de détail, et il est urgent que nous ayons des macro-photographies numériques. Ça évitera d'avoir à manipuler ces documents qui, de toute façon, sont quasiment impossibles à consulter ou très difficilement consultables désormais, et fort heureusement, parce qu'ils sont d'une très grande fragilité, mais il serait bon que nous ayons mieux que des photographies noires et blancs. Ça sera le rôle des archives nationales, mais je peux compter certainement sur le centre de recherche pour favoriser ce genre de demande. Un tableau ici pour vous montrer que même parmi les œuvres d'art, on arrive aussi à en rajouter quelques-unes pour Marly. Alors ça, c'est un des Damoiselet à Huilliot. Annick Finet a montré dans son étude l'année dernière que, bien qu'il soit considéré comme venant de Chaville, ce qui est exact, avant Chaville, il était à Marly. Et il a été fait pour Marly. Voilà. je peux pas m'empêcher de vous montrer quelques vestiges du parc. Vous chercherez où c'est. Voilà, vous avez comme ça 100 mètres de mur ou à peu près, que peu près personne connaît. Alors, pour que personne ne se sente agressé, surtout pas l'établissement public, c'est dans la zone ONF, mais dans la zone ouverte au public, donc un petit peu sous votre autorité, où les arbres poussent à qui mieux mieux depuis toujours. Hein. Voilà, il n'y a, pas de malversation. C'est pourtant un endroit merveilleux du réseau hydraulique. Voilà, les archives sont nombreuses, et quand bien même on les connaît déjà, un nouveau coup d'œil n'est jamais perdu, comme j'ai essayé de vous le montrer sur quelques exemples. Les fonds sont riches, les sujets sont innombrables. De tout cela, comment, pour conclure mon exposé, que proposer comme programme que j'ai donc intitulé « La vie de château ». Il s'agit, je pense, avec cet exemple de Marly et avec la documentation dont on dispose, de comprendre trois éléments importants de Marly, son organisation, son équipement et les usages. Comme vous l'avez très bien dit, Madame Saul, à la fin de l'intervention tout à l'heure, Marly est plutôt attendu pour ses dorures que pour ses fosses d'aisance. Alors, sans nous plonger ici nécessairement au bas fond des fosses d'aisance, je crois que nous avons la chance sur Marly de pouvoir travailler sur, disons, l'avers de la médaille, sur la partie évidemment la moins prestigieuse, la moins au-delà des dorures et de la présence du roi, l'organisation d'une petite société très bien documentée qui se croise dans les différents bâtiments, dans les allées, dans les jardins, autour des travaux, dans les annexes, avec des hommes et des femmes qui vivent, qui travaillent au château et que nous connaissons finalement encore assez peu. Nous connaissons encore assez peu l'équipement, alors disons l'équipement secondaire, parce que bien entendu, les grands tableaux, la grande architecture, la façade, même s'il y a encore des points à préciser, mais quand on va dans les annexes, dans les entresols, voire dans les caves, et pourquoi pas dans les aqueducs, enfin, quand on va dans les recoins, disons, du château de Marly, le petit mobilier, voilà, est encore finalement assez peu connu, mais est parfaitement accessible. Les fouilles anciennes, les fouilles plus récentes et je l'espère les fouilles futures permettront d'enrichir encore davantage. Et pour ce qui est des usages du château de Marly, je crois que nous connaissons encore trop peu, même si sur tel ou tel point les recherches progressent fort heureusement, le travail au quotidien, les tâches plus occasionnelles, la préparation des séjours royaux, même leur organisation, leur déroulement, et puis la vie à Marly en dehors de ces périodes. Marly est un domaine exemplaire pour découvrir cette intimité de la vie de cour dans la réalité, dans la matérialité de la vie d'un château royal au XVIIe et XVIIIe siècle. Marly est exemplaire par les sources qui permettent d'accéder aux réalités de cette histoire, exemplaire aussi par le caractère exceptionnel des séjours de Marly. Je crois que cette face peu connue, cette face commune, cette face ordinaire, usuelle, banale et même vulgaire de Marly, cette face parfaitement méconnue et riche de nombreux enseignements, pour une demeure par ailleurs exemplaire aussi par sa richesse et son originalité. Alors je ne doute pas que le centre de recherche du château de Versailles, qui a pris l'heureuse initiative de ce colloque, est à cœur de porter cet ambitieux projet. Je vous remercie.